après-midi. Moi t'ai sans distraction, moi t'ai senti comme sans position. Moi gagne un bon ami qui remarquait sans consolation. Lui fait une proposition, on a l'assisté répétition. Lui fait une proposition, on a l'assisté répétition. Répété, malgré m'tes sous les nerfs, ça m'rive m'sentim soulagé. Après un bon moment passé, bien un vent qui t'a éventé. Quand si la t'es vine annoncée, bien un la pluie qui prêle tomber. Quand si la t'es vine annoncée, bien un la pluie qui prêle tomber.